Hey, salut, c'est Peter McLeod. Hey, si vous avez pas encore goûté au sandwich de chez Dagwood, qu'est-ce que vous faites? Chez Dagwood, là, hey, ils font des sandwichs devant toi, puis là, ils mettent de la dinde, du jambon, du salami, comme tu veux. Hey, ils pognent pas ça dans des petits casseaux tout secs et arc. Non, non, non, non. Ils tranchent la viande fraîche devant toi, puis là, ils te mettent la sauce Dagwood dessus. Dagwood, essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la place, c'est l'ambiance, c'est le wow. Il est la saveur Dagwood. Maintenant à Saint-Eustache et à la Chine sur Notre-Dame, angle 10e avenue. Et oui, on est à 70%, mais là, il y a eu une espèce de delay de l'émission d'avant. Attendez, Mme Sévigny, moi, je vais poser une question trois fois depuis que vous êtes là. Allez vous asseoir, les gars, on va finir par commencer l'émission. Pour tout le temps, en commençant, je vais mettre une petite chanson qui est choisie, bien sûr, à propos du fait que les choses existent pour être écoutées. Ça ne veut pas dire grand-chose. On va écouter ici pour commencer. Ça va être quoi? Timmy and the Lord of the Underworld. À 70%, on va revenir pour un show, ça sera pas. Jeudi jusqu'à 19h ou les samedis de 11h à 16h. Pour de plus amples informations, consultez le www.ocam.com. Bonsoir. Et oui, nous voilà à 70% avec tout plein d'amis. Ils ont dit qu'il est revenu parce qu'il n'a pas encore été capable d'ouvrir la porte. Voilà. Ça va pas bien, pas de pouce, hein? Sinon, ben, on a les amis, les Slaz and Girls. On a... Avec un Z muet. Avec le Z. Ah! Ouais, c'est les Slaz and Girls. Souvent prononcé Slaz and Girls, malheureusement. Malheureusement. Mais il faut pas. Faut pas. On va dire que c'est les Slaz and Girls. Exactement. Ouais, on va dire ça. Okay. Ouais, c'est à ton choix. Voilà, le groupe vient de s'entendre. Hey, ouais, c'est vraiment beau. C'est un beau moment. Ah, oui. Donc, sinon, ben, il y a Philippe. Oui, bonjour. Il y a Guillaume. Bonsoir. On a bien sûr Daniel. Présent. Et au fond à gauche, Julien. Yeah! Hey, il est content. Et zombies! Oh! Yeah! Yeah! Comme zombies toujours. Ouais, c'est ça, ça. On dirait que vous fitez mieux avec MC La Sauce la dernière fois. Hey, c'est quoi qu'on fait avec ça? Oui, aujourd'hui à 70%, on va avoir la trame sonore de Mega Man 2 en background. Yeah! Oh, ça, c'est un bon choix. Oui, oui, on fait bien ça ici. Puis ça commence par Air Man. Sinon, ben mon film, moi, c'est Dragon Hunt. C'est un film ontarien que les producteurs et réalisateurs sont fiers de marquer au début de leur générique que Office Canada du film de machin n'a pas contribué en aucune façon à leur production, ce qui est tant mieux pour notre portefeuille et notre quotient parce que c'est vraiment pourri. Ben moi je parle des gros mais pas les gros avec trop de substances adipeuses, puis je relance mon concours parce que ça n'a pas marché, personne ne m'écrit. Bon ben parle-moi de ton concours là, pendant ce temps-là, je place mon extrait, on va aller vers le premier petit bloc. Ok, je relance le concours, vous pouvez m'écrire Israël Trudel Denis à commercial@mail.com. Ok, on veut savoir combien de blondes a eu Mario Bros dans sa vie. Combien de blondes? Y a-t-il quelqu'un qui le sait ici? Parce que il y a un déjeuner en jeu là. Oh, combien de blondes? Ben moi je pense que Bowser, ça compte-tu pour une blonde ça? Non. Non, il y en a une, c'est le petit champignon. Non. Ben, Mario, il n'y a pas eu de trip homo parce que non. Je ne compte pas. Ah, non, c'est ah, bon, ben, une pendant seule. Qu'on discute là-dessus, ici, oh, une seule vraie, c'est beau. Hein. Non, pendant qu'on discute de ça ici, je vais plugger les débuts de Dragon Hunt. Vous allez voir, on est au début du film. On rencontre Jake, qui est le méchant qui nous tape déjà sur les nerfs. Et on vous revient à 70% après un petit bloc d'extrait. Oui. Hey, mec. Et ces armes, tu comptes t'en servir contre qui? Je t'ai pas déjà dit que c'était pas tes oignons? C'est pas mes oignons. Hein? C'est justement mes oignons. Je ne vends pas sans savoir et il n'y a pas d'exception à la règle. Nous exigeons qu'on nous dise contre qui les armes que nous vendons seront utilisées. Tu pourrais te servir de ça contre mes amis. Ou pire encore, tu pourrais t'en servir contre ma famille. Ou pire encore que ça, tu pourrais être un flic. Tu es rapide. Très rapide, seulement elles ne sont pas chargées. Je te pose la question pour la dernière fois. Contre qui as-tu l'intention de te servir de ces armes? Contre les deux dragons. Les jumeaux sont eux qui m'ont fait ça. Oh oui, Jake est choqué après les dragons. Là, je vais aller un petit peu plus loin. Là, ça discute de l'autre côté. On va essayer de gruger le plus de temps possible dans les extraits du fait que, bien sûr, on veut poser des questions puis parler des vraies affaires avec nos invités. J'essaie de trouver ici à 5 minutes 40. Nous, l'armée privée du peuple, avons juré de nous venger de ces jumeaux maudits, les dragons. Par tous les dieux, étranglons cette paix avilissante et vaine. Venez, mes chiens de guerre, chantez-moi votre musique. Je ne vis que si les épées chantent et que les étendards flottent au vent et flambent dans l'azur. Et que la terre enfin se gorge. Ça, c'est les méchants, Tommy? Alors, mon cœur, comme les loups, ça a de bon. Joie. Ouais, hein? Sous le chaud manteau de l'été, je suis heureux quand les tempêtes tuent la paix corrompue de la terre, que l'éclair troue le ciel d'un bras sanglant, que le tonnerre furieux me berce de sa musique, que les vents déchirent les nuages, et que sous les cieux du Seigneur, les épées chantent. Est-ce que j'ai vu un drapeau du Canada? Oui, ben c'est juste ça. Que l'enfer nous rend ouais, c'est un film 100% canadien-ontarien. Qui tourne ça. Ce mot haï de paix. J'avais dit aux jumeaux que je reviendrais. Et oui. Je leur avais dit que j'aurais une meilleure armée. Ça a l'air fort, hein? Aujourd'hui, oh. J'ai de l'argent. C'est pas des bonhommes, je vais leur faire vrai payer vrai très cher. Oui, c'est un vrai film. C'est à fond la tête. Des voix de bonhomme. Ouais, on dirait. ouais, mais pourtant. Un peu cartoon. Ouais, c'est vrai que le quotient de Jake est à peu près aussi haut que celui de Pollueur. Ouf. Bon, voilà, donc c'était le speech. On comprend, wow, on comprend que c'est personnel entre Jake et puis les autres. Mais là, je suis obligé de mettre une petite séquence ici là quand que ils se font interroger parce que dans le fond, Jake a framé les Twin Dragons moustachus. Il fait à craindre que c'est les Twin Dragons moustachus qui ont fait l'espèce de hold-up sur le bateau en laissant une médaille. Du fait qu'ils ont laissé une médaille des Twin Dragons moustachus, ça prouve qu'ils étaient là. Fait que là, ben il y a un policier qui mène l'enquête. Ouais, s'il le faut, resterai ici jusqu'à demain matin. Alors vas-y, accouche. Décide-toi, je t'écoute, parle-moi. Tu finiras bien par avouer que tu en as toute la nuit. Bon, soyons sérieux et parlons un peu de cette histoire. Non, c'est moi qui t'emmerde et c'est toi qui m'as parlé. C'est toi. Non, mais c'est traduit ou c'est. Ouais, il niaise, là. C'est traduit, mais il n'y a personne qui niaise. C'est pas mal là. Non, non, il n'y a personne. Tu resteras l'écouter après, Philippe, tu vas comprendre. On lance des acquis dedans puis on est content. Gaspille pas des acquis pour ça. Non, non, je vous ai dit de les relâcher. Oh, c'est là. Maintenant, pourquoi ils étaient sur le bateau et je peux le prouver. Le hold-up, ça n'a jamais été eux. Alors relâchez-les. Un de ces jours, avant le camp, allez. Non, pas si vite, attendez, je voulais vous parler. Mais pourquoi vous les avez laissés partir? Parce que ces types m'ont sauvé la vie il y a presque 10 ans et ce sont des amis de vrai. Que ce soit des amis à vous, je m'en fous. J'ai assez de preuves pour les envoyer au salon. Dansez-vous-en de vos preuves. Votre problème, c'est votre haine personnelle pour ces garçons qui vous empêchent de penser comme un serviteur de la loi. Vos sentiments personnels vous rendent sourd et aveugle. Et si c'est ça votre opinion, vous n'avez qu'à me retirer la vous voulez que je vous dise. C'est déjà fait. C'est déjà retirer l'affaire. On tourne à la trame sonore de fond. Bon choix encore. OK, je vais vous présenter les amis d'aujourd'hui, c'est les Slazen Girls, ouais, avec les quatre amis qui ont. C'est un groupe d'humour qui ont commencé en 2001, année recrue de je sais plus qui. Puis ils ont cassé comme un couple en 2003 pour se reformer en 2003. Ça n'a pas duré longtemps, ils ont été voir ailleurs puis sont venus ensemble. Exactement. Ça a duré 2-3 jours. On s'est séparés, on est revenus ensemble, on s'ennuyait. Puis on a fait une tournée des bars à Laval. Là, puis en solo. On s'est rendu compte que là, on était rendu pour ça. La question qui nous brûle le brout de brocoli, c'est la question que tout le monde vous pose. Les Slazen Girls, c'est-tu le mélange parfait entre Slayers puis Merguez? C'est pas pire, ça prend une fois qu'on l'entend, ça. Vous êtes à 70%. C'est quoi le but du nom? Je suis un peu offusqué là, de ce qu'il a dit. Là. Ben, moi aussi, ben, ça me frustre. Je pense que personne fait le lien vraiment, je pense, mais c'est quand même. On pourrait bon dire d'où ça nous. Vient, c'est wow. Ça? Ouais, ça serait gentil. Mais on préfère garder le secret. Ok, c'est. Non, mais sérieusement, là, ça n'a vraiment pas à faire. C'est qu'on était, était chez Guillaume, on se demandait ça allait être quoi le nom du groupe. Puis là, ça faisait genre une demi-heure qu'on cherchait, puis on a trouvé une raquette de tennis. Slazen Girls. Ah, c'est ça. C'est pour ça que quand j'ai tapé Slazen Girls, ils m'ont dit « Did you mean Slazen Girls? » Voilà. Parce que Philippe, en disant, parce qu'on s'ostinait pour trouver un nom, puis on n'était jamais capable de s'entendre, puis quand il a pris la raquette, il l'a levé dans les airs, puis il a dit « Hey, les gars, on s'appelle les Slazen Girls. » Il a mal prononcé le nom, puis ça se ressent encore plus drôle. Parfait. C'est du vintage. Ça, il fallait trouver un nom vite, parce que 2 semaines après, on faisait un show, puis on commençait à se rencontrer. On avait des contrats avant même d'avoir un nom. Puis des sketchs aussi. Ça, c'est parce qu'on est sérieusement, êtes-vous prêt à devenir tanné de vous faire achaler avec « Hey, ça vient d'où, ce nom-là? » Non, au contraire. Ben non, c'est justement drôle. Moi, je suis déjà tanné, les gars. Pour de vrai, juste là, je taboute. Ouais, mais tout est tanné, tout le temps, Julien. Non, mais en tout cas, je dis là. Mais dans le fond, posez la question à tout le monde à part à Julien. Oh, Zombie veut te faire un câlin. Oh! Merci, Zombie, merci. Hey, tu peux me lâcher, là, c'est correct. Sinon, peut-être que je vais être chanceux. Peut-être que si je vais poser la question que j'ai posée à Stéphane Bureau, que j'ai posée à André Ducharme, que j'ai posée à « Jouez-vous à Magic? » Non. J'ai une bonne anecdote de Magic. Moi puis un de mes amis. Ça c'est les cartes, ça. Il nous manquait d'argent, vois-tu, et j'avais un deck de Magic chez nous. On s'en va vendre le deck de Magic dans un petit magasin de cartes et on s'est fait $60 avec une carte. Et on a pu manger, merci. C'est une belle anecdote. Moi, je la trouve cool. C'est une anecdote à 9 sur 10. Peut-être 4 sur 10. C'est généreux. Ouais, mais sinon. C'est ça, moi, quand j'ai lu, là, j'ai vu Philippe Blain, puis là, j'ai pensé à une blaine bleue, c'est comme l'animal. Puis après ça, j'ai vu Daniel Guindon, là, je me suis dit, c'est comme un guindon, tu sais, un dindon. Puis après ça, j'ai bloqué à Guillaume Miller, il n'y avait rien à faire. Là. Ça rime, c'est bon. Ah, mais sérieux, à ce moment-ci, là, dans cette période, c'est pas ce Mano Negra. Là. Ouais. Pourquoi est-ce que vous, les gars, vous avez encore choisi encore la même chanson que d'habitude, que partout, pour mettre dans votre clip sur Internet? Pourquoi est-ce que encore la toune de Manu Chao, encore? Ah, ça c'est moi, ça. C'est fou. C'est parce que, m'a expliqué pourquoi, c'est parce que je le faisais avec mon ordinateur et il y avait trois chansons dans mon ordinateur, dont Manu Chao. Ah. Les deux autres, on n'en parle pas. Ouais, ben c'était Kiss. Kiss. Ouais, c'est ça, Was Made for Loving You, qui était juste avant. Ouais. Cette chanson-là va jamais mourir. Bon. Jamais. C'est plate parce que, tu sais, moi, avoir droit à trois tunes sur mon ordi, là, c'est comme, tu sais, quand tu t'en vas sur une aile déserte, tu as juste le droit d'amener quelques affaires. Là, ouais, ça, c'est j'ai cruel. J'ai sûrement pas Manu Chao. Hey, ben sinon, là, vous êtes un groupe d'humour émergent. On vous souhaite d'aller loin le plus possible. D'ailleurs, vous êtes une des seules manières que j'ai vu zombie rire en longtemps. Sinon, moi, la scène de l'humour au Québec, là, je la trouve vraiment auto-masturbatrice. T'sais. Tout le monde trouve tous les humoristes bons et tous les humoristes entre eux vont à tous les cocktails de tous et chacun, chacun disant qu'ils sont tous très bons les uns les autres. Non, c'est pas vrai. C'est pas est-ce que vous êtes capable de trouver... C'est ça, nomme-moi un poche, un humoriste moi? Poche. Moi, j'en ai un. Ben, moi, j'aime pas beaucoup Mario Jean. Je me fais pas capoter. Il est très standard. C'est très. Ben, encore là, tu sais, ça, c'est respectable. Là. Moi, ça dépend autres, de la on... personne. Comme moi, il y en a beaucoup. C'est ça, que ça dépend pas, toujours du public cible mais... aussi. Ben, c'est ça, ben, notre humour, il va pas rejoindre, mettons, les ma tante, d'après moi. Ben, peut-être certaines d'entre elles, mais pas. Moi, je pense qu'il y a un humoriste qui est vraiment pas bon, là. Caillouche, tu sais là. Caillouche, c'est un chanteur aussi. Ah, je pensais que c'était une joke. le gros chanteur avec la bébite d'en face là. Ouais, ouais, c'est ça. Qui, ouais, reste qui, vrai, qui chante c'est un Acadien, ouais, c'est ça. Ah, c'était pas un humoriste. Moi, c'était un conteur. Moi, il y a Jean-Marc Parent là, de mon côté. Jean-Marc le très fan. C'est un conteur, c'est ça. C'est pas un. Non. C'est un humoriste. Il se fait assez chaud comme humoriste. Il fait pas des choses comme ça. C'est sûr. Mais on n'est pas venu non plus faire du name dropping. C'est une question. Qu'est-ce que vous pensez des elfes? Les elfes? Ils sont très cool, mais j'aime mieux les nains. Non, les nains, c'est... Moi, c'est quand je joue à donjon, c'est un humain. Hein. Ouais, moi aussi. Non, rien d'autre. Là, écoute, normal, là, je vais pas régresser. Parce que l'opinion de Daniel. Non, mais j'aime ça. Les elfes, parce que moi, je travaille à une place, puis cette semaine, tu sais, on peut pas dire comme, ah, c'est pas très viril, ou tu sais, c'est un petit ça peu fif ton drink, tu sais, mettons, qui boit de l'hydromel. Mais ben, moi, cette semaine, ben, j'ai commencé à appeler ça elfique. Ah, tu veux ton breuvage elfique? Ou, ah, ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà, là, c'est ça. C'était pour faire un lien, j'aime ça quand le monde bâche ses elfes. Moi, je veux savoir si vous étiez dans les Crips ou dans les Bloods. Ça, on se part une nouvelle gang à 4. Ok, ok. En fond, on va être les slaves, ça va être moins compliqué. On est mauve. C'est juste ça, va y aller. Pas des rumeurs, toi. Ça va être centre-sud side. Ah, non, c'est pas vrai, on n'a aucun side. On aime le préciser à tous les membres de gang qui voudraient peut-être nous écouter. Arrête la chienne, Julien. Je vais savoir si vous étiez plus chandail de loup ou chandail Hummer Design. Je travaille pour des peanuts, l'éléphant. Aucun des deux. Ben, moi, je dirais quand même plus Hummer Design vu que j'en ai eu quand même pas mal quand j'étais petit. Ouais, belle chose. Mais je peux faire une confidence. Mon père, je l'ai vu il y a pas longtemps. Puis, il s'habille toujours bien, tu sais. Puis là, je l'y vais avec un chandail de loup avec un iPod. Fait que là, je dis, c'est bien cool, c'est tech, genre. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas cool. Ben, mais tu sais, mon père, il dit, cool, hey, un chandail de loup aussi. Mais non, c'est pas vrai. C'est bien, chandail de loup dans ma tête, ça c'est aussi. Avec un drapeau sudiste, là, puis une grosse flotte, puis la lune, puis un aigle à tête blanche. Moi, j'aime ça les chandails d'ours surtout. Est-ce que vous êtes capable de faire des petits lapins avec des tigres? Ouais, ben ouais, ah, ça c'est le classique. Là. Ok, je vais t'emmener mes tigres. Si t'es capable, je te donnerai bien un bec. Ouais, mais t'as une grippe d'homme, tu me disais. Fait que je pense que je vais laisser faire. Oh, ça va faire le beau cadeau. À vrai dire, notre spécialité, c'est faire des donuts avec nos bas. On les roule. C'est en plus notre spécialité. Ouais, donc, je suis désolé d'avoir à apprendre que ça fait une dizaine de minutes qu'on parle. On va aller écouter une chanson pour donner un petit break à nos invités, donner un petit break à tout le monde. Malheureusement, c'est la chanson qu'Israël a choisie. Et, ben, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Oui. Quoi? Donc, on va la subir tous ensemble et revenir ensuite à 70%. Ah, et voilà. Oui, c'est Catherine and the Waves. Ah non, non. Love Story, on veut pas s'entendait. À Love Story ce soir, Bastien perd son coupon et suspecte Jérémy de lui avoir volé pour le rendre moins présentable aux yeux de Jessica. Louis Pascal manque son Kraft Dinner aux saucisses, ce qui déclenche une tornade de facultativité chez Mamela et Cassandra Alice. Pendant ce temps, les Québécois et Québécoises investissent massivement dans les indispensables produits dérivés, tandis qu'on note également l'haleine de Michelin et les bas sales de Frédéric Olivier qui commencent à créer des polémiques. Love Story, une dose de vraie valeur. On s'ennuyait de ça. J'ai relu le texte que j'ai écrit la semaine passée à propos du zombie. Oui, ça, ça le fait réagir. C'est du monde que tu vas sûrement revoir du côté des forces obscures, ça, en plus. Oui. Hey, on va retourner écouter des petites séquences ici de bien sûr Dragon Hunt, un oui. film ontarien duquel je vais vous entretenir un petit peu plus longuement tantôt. Pour l'instant, on va continuer à voir les méchants parce que dans le fond, c'est un jeu de la mort. C'est super subtil. C'est Dragon Hunt, puis c'est les Twin Dragons. Fait que le but, c'est qu'ils se font kidnapper par Jake, qui est très, très méchant, et puis pitcher sur une île avec les méchants qu'on va se faire présenter juste là. Nous avons d'abord le maître du monstre avec son féroce bouvier qui vous arrache un bras aussi facilement qu'un dentiste une dent. Ce chien est un tueur, il fera du hachis de ses pauvres dragons. T'es aussi dur que ça partout. Les zombies aiment ça. Carbone. On a vu de la pointe en arrière. Ensuite, j'ai Urn. C'est pas un homme, c'est une montagne. Complètement débile et trop bête pour qu'on lui fasse mal. Mais il peut faire mal aux autres. Bah oui, hein. Il peut, ça, hein, c'est le journal principal. Par là. C'est ça, c'est un montage, genre léger, les Twin Dragons avec le blond. Puis là, ben, de l'autre le côté, lard. T'as le gros lard. Pour le braconnage, c'est le champion. Partout où il passe, rien ne repousse. Dans combien de temps va arriver? On a 8 jours de vacances. C'est quelle année, ça? Profite du temps qui passe. On parle de 1990. Des tueurs professionnels et géniaux, sans scrupules, fanatiques. Ben j'ai un faible en fait, pour eux. Il y a des cuisses. Pour avoir des cuisses. Ouais, là, c'est ça, on vient de se faire présenter les méchants. On va aller un petit peu plus loin, à 15 minutes 48. Non. Parce non. que là, le méchant, il va... Oui, oui, oui. 15 minutes 48. Ok, go, les gars. Puis là, il va avoir l'incroyable Jake qui va encore nous taper ses nerfs. On va aller chasser. Oui. Les premiers ravitaillements, les chasser. Avec le gros. Avec la montagne, avec Earl. On va aller chasser. Avec le gros lard, avec les ninjas, on va aller chasser. On va aller chasser. On va aller chasser. On va aller chasser. On va aller chasser. C'est Jake. C'est Jake, très, très méchant. Non, mais sérieux, Dragon Hunt est une autre aventure mettant en scène des proies qui deviennent des prédateurs. Poussé à la vengeance personnelle dans le premier film de la série, Jake, le gros connard qui nous tape déjà tous sur les nerfs, kidnappe les Twin Dragons, engage une flopée d'incrédibles imbéciles et garoche tout ce monde-là sur une île déserte pour un jeu de la mort. Vraiment BS. Donc, on peut retourner. Ah ben non, on va aller voir la chronique style de notre ami. Parce que tout le monde le sait que je fais à MC Gilles la chronique style, mais là, je la transfère ici. Fait que cette semaine, je parle de des gros. Et non, pas les gros qui ont trop de substances adipeuses. Les gros qui est un sous-dérivé des jocks. Savez-vous c'est quoi les jocks? Non. Excuse. Les gars de Charles. Les gros! OK, ouais. Ben, les gros, c'est ceux qui s'appellent tous gros. C'est en game, là, tout le monde s'appelle gros. Hey, les gros. Ouais, le gros, hein. Hey, parce que ça fait qu'ils disent hey gros, on sort tout au fuzzy à Laval. Oh. Hey gros, ma course line est frais. Parce qu'il faut vraiment dire course line. Okay. Mais tu fais des tatous de char, on va pouvoir appeler Cynthia. Hey big, gars, j'ai liché Cynthia. Fait que je vais faire un jeu de mots avec gros avec ça. Ben, let's go. Hey big, j'ai été faire ma grosserie pour faire un super Cynthia. Fait que. Ben, je pense qu'on a tout un 3-4 noms en tête là, quand tu dis le ouais, gros. Ouais, non, c'est ça, on en a. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec les gros. Une anecdote. Un nouvel ami d'une soirée parce qu'il m'a donné deux bières. Oh. Tu sais, des fois, si t'en vas quelque part, quelqu'un qui te donne la bière, tu dis pas non, tu jases un peu pour être gentil, puis il m'a appelé Big une fois, là, puis là, j'ai fait. J'étais comme <"This." rire> C'est ça. Ah, ben là, on m'a posé une question à la bande ici, hein. Guindon, oui. Blain, Miller et Prince. Yes. Prince. Saint-Cybois, 21 août 07. Quatre petits nouveaux étaient de passage au Saint-Cybois pour nous présenter une série de sketchs survoltés dans une mise en scène extrêmement tight. La foule a embarqué à plein pied dans leur délire et les nombreux membres de leur fan club qui les avaient accompagnés pour l'événement ont aussi visiblement fort apprécié leur performance. Un style d'humour qui promet. Bref, il s'agit d'un groupe d'humoristes à surveiller à l'avenir si on arrive à se rappeler de leur nom. C'est la sœur de qui a écrit ça? C'est pas une de nos sœurs, c'était au Saint-Cybois. Ils font des petites chroniques, ouais, des critiques. Critique.com. Puis on a vu ça une semaine après notre show. Puis on 3-4 était... jours après. Ouais, ouais, on était bien contents. Ouais, ouais, c'est, non, mais c'est cool. Ouais, ouais, j'étais tout excité, je me suis fait des toasts avant de l'émission. C'est cute. Ouais, ouais, on était bien contents de la critique. Ouais. Là, puis... ouais. Mais là, vous êtes en train d'upgrader, vous allez jouer au cabaret juste pour rire. Pour les mercredis, juste pour rire. Mercredi qui s'en vient le 17 octobre. Demain. À 8h. À 8h, oui. Bien, 10$, ça va être un bon show. Ouais. 10$. Ben oui, mais c'est pas, c'est pas juste nous autres. C'est non, ça, il y a 5. Ouais, ben Maurice, si ça aurait été juste nous autres, on aurait pu jacker les prix, mais là, vu qu'on a 200, la moyenne va baisser. Puis, tu sais, nous autres, c'est vraiment de l'humour à sketch, là, comme ouais, la critique le disait, là, c'est vraiment, on déconne. Ouais, c'est ça, je pense. Stand-up. Rapide, costume. Faites des ambiances sonores. Aussi, ben ouais. Okay. Puis on pensait justement engager Zombie pour un son particulier. Ouais, vas-y, Zombie. Zombie. Yeah! Oh, c'est bien, ça. Oh! Il est en train de se manger les mains, là. Non, Zombie, pas les invités. Pas ses invités. Aïe, mais sinon, on va retourner dans les questions, là. Ouais, vas-y. Oui. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà possédé un animal familier autre qu'un chat ou un chien? Oui. Un lapin. Oh! Une tortue. Un lapin, une tortue. Ben, la tortue, c'est pas vraiment moi, c'est ma femme. Des oiseaux. Des oiseaux? Oui. Moi, ça s'appelait Cathy, ma tortue. Ah, ben non, c'est tartine, la tortue de course. Saviez-vous que Hubert Gagnon aussi a déjà eu une tortue? On m'a dit. Ouais. Okay. Non, c'est vrai. Fun, hein? On est connectés. C'est débile. Avec you, on est sur le même point. Hey, puis sinon, quelqu'un me donne une définition de geek, mettons. Julien. C'est Phil, je voulais juste pas justement pas me citer. Mais ouais, moi. Non, mais c'est pas un vrai geek. C'est quoi un vrai geek? Un vrai geek, là, c'est parce que Julio pis moi, tu sais, on aime ça, jouer, mettons, à Donjons et Dragons. C'est ça. Mais on n'est pas des vrais geeks. On est les cools qui jouent à Donjons et Dragons. Bill Gates, ça doit être un geek. C'est un geek qui a bien. Je sais pas, moi. Pas d'accord. Geek, là, je sais pas. C'est dur à définir. Moi pis Tommy, on est des geeks, même si je suis un punk. Geek, c'est large, c'est pas méchant être geek, c'est comme cool être geek. Moi je pense que Denis Talbot c'est un geek. Il est correct, le gars. Protect, believe. Hey. Talbot Squad forever. Ouais, c'est on represent. Fait que là, c'est quoi? Vous venez de pogner un upgrade. Là, avant, c'était Saint-Cybois, au mois d'août passé. Là, c'est le cabaret juste pour rire. Ça s'est fait vite. On a commencé avec des petits concours. Puis là, ça. On a boosté, c'est ça. C'était les mardis de l'humour au Saint-Cybois. Comme il y avait un groupe qui était supposé de rentrer à notre place, je me rappelle plus leur nom, mais en tout cas, on les reverra pas de si tôt. Ils ont cassé. Ah, voilà. On les a cassés. On peut-tu dire ça? Non, ben, en tout cas, on sait pas trop son où finalement. C'est comme Mario quand il a fait son dernier retour au jeu, là, où Stéphane Richer, il était plus de compétent, il était pas à sa place. C'était bon qu'il perde, comme ça, il a réalisé qu'il était mieux d'aller faire autre chose. Exact. Voilà, la compétition. Il a avec Cindy Crosby. Ben, je sais pas, j'ai entendu ça sur le net. Là, mais quoi? Ben, que vu qu'il l'hébergeait chez eux, il y a des rumeurs qu'il était pédé. Non, mais en tout cas, moi, je vous dis ce que j'ai lu, là. C'est pas des rumeurs. J'adore ça. C'est excellent. Y en a-tu d'autres des rumeurs de même? Quelqu'un qui. Non, moi j'en ai plus d'autres. Il paraît que dans Slash, il y a du monde qui pogne la drogue, mais. Oh. Oh, ouais, on dira pas. Yeah, un an qui vient de sortir de queue de désintox. Ouais. Ben, la ah, il rit. Ça donne rien de lever ta main, on est en radio, le câble. Pensez-vous que le cabaret Juste pour rire, ça va faire que vous allez devenir big ou ben ça va juste faire que vous allez spinner dans les 5 à 7 des autres puis que vous allez commencer à vous auto-suffire? Nous, on vise le 5 à 7. En tant qu'humoriste. Ils parce visent que, le 5 à 7, ouais, ça coûte souvent, moins cher. Ils donnent, ouais, puis ils donnent de l'alcool gratuit. Non, mais moi, je pense que, tu sais, on va être franc, là, on fait le cabaret Juste pour rire, faire le tour du monde. Là. On sait qu'on a quelqu'un moins d'important qui va dire OK, vous autres, c'est exportable, on fait le tour du monde, une tournée générale. Alors, on sait que M. Angélil, ouais, il est intéressé. On a reçu une couple de messages, mais. Ben, c'est ça, mais on l'a pas encore envoyé le email. Tu veux-tu vraiment devoir quelque chose à René Angélil? Ben, c'est ça. Ben, lui, il me dérange pas, c'est sa femme qui me gosse un peu. Ouais, sûrement, c'est un beau travail d'équipe. Moi, je trouve que ils se sont trouvés un nouvel helper. Le petit prince, là. Le petit prince, celui qui fait de la publicité. René Charles. Il l'appelle le petit prince. Non, mais en fait, peut-être qu'on vient de souiller un esprit vierge qui était content de ne pas être au courant de ses facultativités incroyables. Mais ce petit-là, René Charles, je suis sûr que ça va devenir un gros punk plus tard. J'aimerais ça qu'il y ait un band de punk, tu sais, vraiment. Ça m'étonnerait. Vraiment, là, tu sais, pour se venger. Tu vas venir venger de quoi? Je connais pas ses parents. Tout le temps à Las Vegas aussi. Justement, il vit dans le luxeur. Donc, ceux qui sont partis sur René Charles. À soir, c'est les débats. On fait le point sur René Charles. Pour ou contre? Un zombie est contre. Zombie est contre. Hey, les gars. Tout le temps ça, les zombies. Avoir René Charles pour manger, zombie, il ne mangerait même pas. Non, c'est sûr. Mais il botterait. Zombie entre René Charles, René et Céline. Lequel? Ah, ça ferait une belle photo de famille. Avec zombie. Ah non, mais bon. Si je vous dis, là, vous allez peut-être nous comprendre, là, il y en a qui se sont semi-avoués geeks hein, en arrière. Ouais. Que la Wii, présentement, vend plus de consoles à elle toute seule que le PlayStation 3 et ouais, le Xbox en même temps. Puis là, en plus, les bons jeux s'en ouais viennent. Ah ouais, pour vrai. Bientôt, on va avoir, mettons, Mario Galaxy, qui est supposé être révolutionnaire, puis j'ai vu des images, ça a l'air d'être assez hallucinant. Ouais, j'ai une anecdote sur Mario Galaxy. Ben, vas-y, ça, vas-y. Ouais. Ben, c'est parce que Mario Galaxy, avant, sur la pochette originale, OK, t'avais des étoiles sur, en dessous de certaines lettres du jeu. Puis là, ils ont changé la pochette parce que les étoiles qui étaient en dessous des lettres, quand tu prenais toutes les lettres, puis tu formais les mots, ça faisait « You are Mr. Gay ». C'est vraiment bizarre, sérieusement. C'est vrai? Oh, ouais, tu vas voir sur Internet, là, tu fais juste taper « You are Mr. Gay », puis c'est sûr que tu vas voir le lien. Oh, ouais, c'est wow, excellent. C'est toi, t'es pas à 70% pour rien. Laisse tomber Nintendo. Presti. Mais non, mais la Wii, moi, c'est le fun, là. Mais tu sais, quand t'es veg dans ton salon et tu veux jouer à un jeu vidéo, ça me tente pas de frapper dans le vide. Mais t'as l'option de pas le faire, je pense. Ben oui, t'es jamais obligé. Non, mais de toute façon, c'est des jeux un petit peu plus jeunes. Moi, je capote pas. Ça, c'est l'autre argument qu'on a tout le temps, mais ça n'a pas rapport à Zelda. Ouais. Mais sérieusement, dis-moi que c'est pour les jeunes, moi, Zelda, Twilight Princess, puis je veux dire, ça n'a pas rapport. Ben là, Zelda, on s'entend, tu sais, c'est pas... Non, mais ça n'a pas rapport à Zelda. S'il y avait du monde décapité, au moins, là, ça serait bon. Là, un peu, oui. Hey, là, on va aller écouter une tune, ça s'appelle La Vague. C'est la toute dernière de Résonance, un groupe abitibien. Résonance. Vous allez voir, c'est assez pesant. Nance. On va revenir après à 70% pour des séquences des Twin Dragon Moustachu. Puis des questions, bien sûr, aux Sladzengers. Fait qu'on écoute La Vague à Résonance et puis on vous revient juste après à 70%. Yeah. sujet, money pour la Brésil. Vous savez bien qu'à pas refuser un beau gars comme moi, tout ce côté, je suis beau. Bon, bon, ben là, pour faire changement de hostage syndrome de la semaine passée, aujourd'hui, j'ai tout plein de bonnes informations sur le produit audiovisuel qui nous accompagne en studio. Les Twin Dragons Moustachus, Mike et Martin, sont de fiers Canadiens. Bien qu'en fait, les jumeaux McNamara sont nés à Belfast, c'est à Toronto qu'ils ont passé toute leur existence. Comme les autres acteurs douteux, ils ont décidé un jour, fortuitement pour nous, de dévier de leur carrière hautement profitable et très appropriée de combattants de kung-fu ou de gars qui donnent des cours pour devenir des stars de films d'action. Le mighty gros hic, c'est que les jumeaux jouent, dans leur film, leur propre rôle. Comme si les avatars de la vie de tous les jours pouvaient amener deux jumeaux identiques et moustachus à se retrouver au cœur d'un jeu de la mort dans la forêt canadienne. En tout cas, sachez que s'ils vous impressionnent réellement, les Twin Dragons Moustachus ont, en Ontario seulement, une série de 8 gymnases. Là, vous pourrez apprendre kung-fu, karaté et kickboxing à la sauce McNamara moustachu. Car, outre le cinéma, les indiscernables moustachus sont impliqués dans la cause des combats full contact au Canada. Leur dernier film, The Real Twin Dragons, traita justement de ce combat légal qu'ils livrent pour rendre le kickboxing légal en Ontario et au Canada. En tout, on se retrouve avec 3 films, Dragon Encounter, une chasse à l'homme dans laquelle les Twin Dragons Moustachus jouent leur propre rôle, Dragon Hunt, une chasse à l'homme dans laquelle les Twin Dragons Moustachus jouent leur propre rôle, et Real Twin Dragons, phrasé sur le dessus du poster, You can't fight the government, no one told the twins. Wow! C'est du grand cinéma! Fait que là, pour continuer ça, on va aller ici découvrir... Mais en fait, c'est Jake qui va nous parler de son armée. Là, il nous l'a présenté. Tantôt, on avait la grosse brute. En tout cas. Oui, j'ai écouté. Jake, c'est le cave, ça? Ouais. Ouais, ils vont le cave. Quand nous envahissons les villes, si jamais la population nous traite avec indignation, nous lâchons menu parce que nous aimons les hamburgers. Bertolt Brecht, 1926, chanson du soldat. Il est infect. Soyez les bienvenus dans ma petite retraite. On va y en lancer des acquis à lui. Ah! Oh. Steve Corbeil. J'espère que vous profiterez de votre stage. Vous avez reçu une bonne avance sur votre paye. Je pense que vous êtes satisfait. Je mentionne qu'un Mohawk. Mon armée est complète. Oui, un Mohawk blond. Frisé. Oh, wesh. Il y a son petit quelque chose, Jake, vraiment. Là, on va aller un petit peu plus loin dans le film. On s'en va à 23 minutes 25. Attention, les gars. Ça va vite, hein? 23 minutes 25, c'est ça. Là, on va comprendre c'est quoi les enjeux. On va se faire présenter le jeu de la mort. Je t'attends. Si tu vas dans les bois aujourd'hui, porte un déguisement. C'est art. Ouais, zombie est en train de s'arracher les oreilles. Une balle dans la peau serait trop facile. T'es malade. Ouais, mais je suis un homme heureux. Hey, Jake, c'est quoi ton jeu exactement? Il est d'une simplicité enfantine. Il s'agit de s'emparer du fanion. Carl! Les règles ne sont pas compliquées. Nos jumeaux seront sans armes. Là, ce qu'on voit, là... Il n'y aura que vous et vous seuls à savoir exactement où le fanion se trouve. De viril, pas beau. Les jumeaux essaieront de s'emparer du fanion. Avec votre des jeux disséminés. Il y a une prime de 200 000 $ Ils sont en train d'écouter un nain habillé en Rambo. Les jumeaux seront traqués 24 avec un AK-47. L'air étiqué. Chaque groupe assurant 8 heures de travail continu. Maître du monstre, tu dirigeras le premier groupe. Quelle Masque rouge, toi et les ninjas, vous formerez le second groupe. 100% canadien. Tu prendras le projet. Pour rendre la chasse plus intéressante, les chasseurs auront le choix des armes, à l'exception des armes à feu. L'armée privée du peuple patrouillera le périmètre. L'armée privée du peuple. Une fois la chasse ouverte, ça aussi c'est assez masturbatoire. Sera mis à mort. Chasseurs, notez bien ceci. Les jumeaux ne sont que deux contre toute notre armée. Mais ce sont des maîtres du kung-fu et du karaté. Des professionnels accomplis. Et ce n'est pas tout. Ils sont capables de survivre en pleine nature, dans les conditions les plus dures. Ne les sous-estimez pas. T'attends. Quand est-ce que la chasse commence? Au lever du soleil demain. Les jumeaux partent 2 heures avant nous. Bonne chance. Et que les meilleurs l'emportent. Et que les meilleurs l'emportent. Et oui, on est passé au travail de la série d'extraits. Wow. J'ai mentionné plusieurs fois que c'est des jumeaux et qu'ils sont moustachus. Mais Mike et Martin McNamara, dépendamment de dans le film où ils sont, tu peux jamais les différencier. Tu peux pas dire, OK, présentement, c'est Martin. Je suis sûr que c'est Martin. Non, parce que peut-être que c'est Mike. Puis là, des fois, tu dis, ah ben tiens, c'est Mike. Mais non, parce que peut-être que c'est Martin. Ils sont identiques. Ils, en plus, ils sont en bédaine. Fait que, tu sais, ils ont la même coupe de cheveux. Il y a aucune façon de les différencier. Fait que c'est comme si c'était, tu sais, Double Impact Van Damme. Ouais, des clones, genre. C'est ça, mais, tu sais, c'est, en tout cas, c'est une espèce de procédé assez bizarre. Aimeriez-vous ça, vous, vous faire cloner? Non. Non. Ouais, bah, ouais, toi. Ben ouais, pourquoi pas. Ben moi, j'aimerais non, mais ça lui, qu'on... il se ferait une armée. Il conquérerait le monde. Contre le fait que je me ferais une armée. Oui, je me ferais une armée, mais bon, ça serait aussi pour, tu sais. Bon, je sais pas, j'ai pas le goût d'aller à telle place. Vas-y donc, clone, de me rester chez nous, tu sais, comme les enfants de merde. Tu fais pas de la merde à ton clone. J'ai une question pertinente. Y en a-tu un qui s'est déjà pogné une chic à cause de l'humour? Ah, c'est bon. En fait, on s'en retourne vers toi. C'est quoi, cette affaire-là? L'humour. Non, je veux dire, après un show, là, tu te pognes une chic. Là. C'est arrivé? Parce que moi, ça m'arrive avec les punk shows rock. D'habitude, il est 10h, 10h30, il faut aller se coucher, t'es assez tard. Parce que, tu sais, on est des hommes responsables, on boit pas. Aucune drogue, non. Aucune substance alcoolique. À part la caféine. Rien. Mais ça, c'est quoi? C'est vous êtes comme les humoristes traités. On est les geeks des humoristes. Là. Ouais, pour revenir. C'est pas vrai, on se dope à tous les jours. Rock and roll. Non, non, mais c'est quoi? C'est votre petit jardin secret? Vous voulez pas en parler? De quoi, vous voulez pas en parler des J'aimerais filles, c'est ça? Vous aimez mieux les garçons? Moi j'ai une femme, fait que tu sais, je peux pas cruiser après de toute façon. C'est ça, puis tu sais, mettons si on commence à dire en onde, oui, on se tape des chicks, tu sais. Là, qu'est-ce qu'ils vont. Ouais, c'est ça, ils vont faire, ah, c'est des écœurants, puis là, il y a aucune fille qui va venir nous voir, tu sais. C'est ça, vous voulez briser finalement ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est ça, c'est l'espèce de dilemme, là, vérité ou associé. Là-dessus, on va passer sur notre veto de pas répondre à notre veto. Mais tu sais ce qu'ils disent dans Big Brother, hein, t'as juste droit à une fois à ton veto. Ben c'est ce que j'arrête pas de leur dire, oui, mais moi... ils callent tout le temps leur veto. Mon c'est premier veto, c'était d'avoir 5 vetos. Ben ouais, mais c'est ça, tu peux-tu faire ça? C'est tu peux bon, pas faire ça. Ben, non, de toute façon, bon. C'est moi qui ai inventé la règle des vetos. Parce qu'on procède un peu comme les Beatles. Mettons, on a quelque chose à débattre, puis là, on fait un vote à main levée. Puis on des dit fois, oui, John, t'as raison. Puis des fois, non, mais vient tout le temps chier le tout. Yoko, elle arrive, elle vient, puis elle dit ah, man, ils comprennent pas, ils comprennent pas. C'est quoi, c'est la femme à Daniel? Non. On a engagé une Yoko pour faire quoi? Pour mettre la marde dans le groupe, on s'entendait trop bien. Hey, mais sinon, c'est quoi votre jeu vidéo préféré, là, un après l'autre, là, Philippe, là? Ben, moi j'ai bien aimé la série des Hitmen. Ça c'est fort. Je trouve ça réel, fort, là, t'es dedans. Voilà, Guillaume. Moi je suis vraiment dans l'actualité, là, c'est vraiment Punch-Out au Nintendo. J'avoue que aussi, c'est très, très bon. C'est une très particulière. T'as-tu déjà battu Mike Tyson? Ouais, moi oui. J'ai déjà fini. C'est tellement vite. Il y avait moyen, là, il fait un petit clin d'œil. Puis si tu te fesses juste après qu'il fait son petit clin d'œil, tu le m'appelles d'un coup. Il est cave, tu sais. Aussi, il pogne une fois, c'est qui le cave? Moi, c'est, ben, il veut pas, c'est Halo 3, vu que, tu sais, c'est le jeu que je suis en train de jouer présentement. Ok, ouais. Okay. Et puis, Julien? Moi, je dirais, j'hésite entre deux, soit les Final Fantasy ou bien la série des Metal Gear, un des deux. Les deux, Metal j'ai Gear, vraiment fort, bien aimé, ouais. On déconne sur les autres questions, mais quand c'est question jeu vidéo, c'est pas le temps de niaiser avec ça. Vous êtes à 70%, c'est sûr. On niaise pas avec les jeux vidéo ici. Non, on est d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a des questions sur les accommodements raisonnables aussi? Ta gueule! Ah ben moi je vais en poser une petite dernière avant d'aller écouter la toune importante à écouter du film des Twin Dragons Moustachus. Et puis bien sûr l'extrait. Ouais, tiens, je vais aller mettre les la sempiternelle les ninjas ne se battent jamais la nuit, là, c'est quand même assez fort. Hein. C'est entendu pour vrai, là, c'est ils le disent. C'est ça qui est assez mal à l'aise, hein, c'est que c'est qu'ils le disent. Ils en sont convaincus, on va l'écouter ici. Envoie en patrouille 4 ninjas maintenant. Et les autres hommes de leur équipe, cette nuit. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. On leur donnera du temps. Envoie en patrouille 4 ninjas maintenant. Et les autres hommes de leur équipe, cette nuit. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. Jamais. On leur donnera des torches électriques. Jamais la nuit. Ils s'habillent en noir, c'est les maîtres de la subtilité. De l'ombre, du fait, mais jamais la nuit. C'est ça, du fait qu'ils ne se battent jamais la nuit. Tu vois qu'ils ont fait leur recherche. Ils voulaient réinventer le genre, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ils ont oublié ça, je sais. Fait que là, ben, on va aller écouter la super tune qui nous tape ses nerfs tout le long. Vous allez voir, c'est du viril arabais, juste comme celui qui me fait friser le poil. On va revenir pour plugger votre show une dernière fois. Dire salut à vos mamans, à votre femme, à la petite fille qui grandit en son ventre ou whatever. Et puis, ben, on va aussi remercier Dieu. Oui, c'est ça. Il faut tout le temps remercier Dieu. Donc voilà, c'est les Twin Dragons Moustachus et Billy Butt. C'est lui qui a fait la chanson. Oh, yeah. Amos Sovava. Billy Q. Non, non, c'est bien plus mauvais, tu vois. C'est le poêle, là, le viril arabais et une pêche pour vos oreilles. J'ose mentionner que tout le long de la chanson, il y a les Twin Dragons en bédaine qui courent dans un tête de sable sur du ralenti en se faisant tirer dessus par des virils pas beaux. Vous pouvez venir voir si vous ne le croyez pas. On s'en vient. C'est vrai, les gars, j'ai oublié de poser la question sur laquelle vous étiez supposé réfléchir. Là, vos micros sont pas ouverts, c'est simplement pour la dire. Quelle importance occupe la variété dans votre vie? Ah, c'est beau. Après avoir fait courir Bruni Surin contre un hot dog, associé des céréales au talent de Tiger Woods et des pick-up à Wayne Gretzky, les publicitaires québécois du 21e siècle évoluent vers un univers de chars qui lévitent, de cosmétiques qui créent des amitiés et de rasoirs issus de la rencontre de deux énergies pures. L'ordre des publicitaires québécois, à l'écoute de la réalité. Celle-là, je l'aime bien gros aussi. Voilà, trame sonore de fin. Quelle importance occupe la variété dans la vie de Philippe Blin? De moi, ça? Ben oui. Ben, la variété, ben, je l'ai connue au Portugal. C'est une jeune femme de 18-19 ans. Elle parle pas français ben, mais elle est super sympathique, mademoiselle. La variété... Coustopoulos. Mais tu sais ce qu'il dit, Jean-François Gibson, drummer des prostitutes? Il dit que quand tu te pognes quelqu'un d'une autre race, l'amour, c'est universel. Mais boy, il y avait pas d'amour là-dedans. Fait que, ben, sinon, toi, Guillaume... Ben, j'ai pas vraiment pensé à de réponse. Fait ah, que ben, c'est correct. On a plus beaucoup de temps de toute façon. Il va falloir plugger votre show ou whatever. Oui. Là. Ouais. Ouais. Donc, ça va être au mercredi Juste pour rire, au cabaret Juste pour rire, mercredi prochain, le 17 octobre. Saint-Laurent-Sherbrooke. Exactement. Donc, fort intéressant, une belle salle. C'est fort, fort agréable. Puis en plus, sur notre MySpace, on a justement une page. Donc, MySpace Musique, les Slaz. Ouais. Donc, aussi sur Facebook. Exactement. Donc, Slaz, comment on l'écrit? C'est S. L-A-Z, puis lait avant. Mais ouais. Pas lait, on est lait. Non, on est le brevet. Ça veut dire qu'il y a deux S d'affilée. Là. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Mais avec voilà. Un espace. Là. Ah, j'ai non, pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, ok. Ah, okay. L-E-S-S-L-A-Z. Laisse-moi. Ouais. Voilà, c'est la victoire. C'est pas ben, de notre côté. On dit merci beaucoup à Zombie de cette déplacement. Merci, Zombie. Zombie. D'être resté ici, plutôt. Moi aussi. Il est rendu à se bouffer à la jambe. Ouais, ça va bien, ça va bien. Et puis, merci à Israël. Merci, Israël. Merci on a bien fait ça. Israël qui va guérir. Oh, ben ça nous a fait plaisir. On va mettre ici une petite phrase pleine de sagesse. Quatre ninjas maintenant. Et les autres hommes de leur équipe. Cette nuit. Oui. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. Il faut réfléchir à des affaires comme ça, ça c'est important. Ça va donner, mec. Ça va donner. Bon, ben, c'est quoi, là? On est rendu au bout où on dit merci. Ah oui, c'est vrai. Je vais peut-être parler du fait que là, de l'autre côté, on va avoir, tantôt, on va avoir l'excellent Twin Dragon Moustachu qu'on va écouter d'un bout à l'autre. On va apprendre pourquoi les ninjas ne se battent jamais la nuit. on a également, et puis ça, c'est peut-être le mieux, on va avoir Mortal Kombat. Parce le que... dessin animé? Non, mieux que ça. Mortal Kombat, j'en ai parler, je vais en reparler. C'est sûrement la série de jeux vidéo à laquelle j'ai le moins joué par rapport au plaisir qu'il m'a procuré au cours des années. Plusieurs fois, moi et mes potes avons loué une nouvelle console de la toute dernière création et la toute dernière création des studios de Midway. Seulement pour payer un gars pour qu'il joue, pour qu'on rit. Là. Notamment Mortal Kombat Gold, qui est, avec Shenmue, le seul jeu de Dreamcast auquel j'ai joué pendant plus de 3 heures. Et puis c'était vraiment pas parce qu'il était bon, ces jeux-là. Ce soir, tantôt, pour tous les habitués des visionnements, on va écouter subir, endurer pour finalement vaincre un montage serré de tous les infectes fatalités, de tous les infectes Mortal Kombat. Pour vrai? Vous êtes avertis. Wow! Tout wow! Ça va faire très mal. Pour donner un spoil, mais on a un finish him dans notre show, nous autres aussi. Oh, ouais. C'est bien ça. Ouais, venez voir ça mercredi. Pas pour spoiler. Bon, ben, j'aimerais ça remercier la vie parce que la vie, c'est beau. Oh, c'est vrai que c'est beau la vie. Non, zombie, un numéro de 1 à 5. Ça marche, ça, zombie. Qui... Il fait son gros possible. Ouais, qui a montré ses doigts restants. Merci, les Tila Jungers. On vous souhaite un maximum de bonheur. Vous allez écouter 70%, c'est sûr. Ça fait plaisir. Ciao. Merci, à la prochaine. Ah, ben là, c'est quoi, ça veut pas jouer. On va mettre celle-là comme d'habitude d'abord. Aïe, aïe, c'est chaud. fly. I sensed your leaving for its time. You're looking past me like I was blind. You're standing all alone, me by your side. Lundi 13 octobre, vous écoutez l'épisode 16, je pense, c'est ça, de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM. C'est bien l'épisode 16 et c'est bien Julie et Christophe, fidèles au poste pour Dans ta bulle. Pour changer, aujourd'hui on vous parle de science-fiction avec tout d'abord le manga L'école emportée de Kazuo Ometsu. Julie vous parlera de Antares, la nouvelle série de Léo, mais on ne parlera pas que de science-fiction puisqu'on évoquera aussi la sortie de La plus jolie fin du monde de Sviane.